Le journal russe Buzugliad a présenté un écrit appelant les États-Unis à reconnaître la position de la Corée, pays possesseur du nucléaire.